Le trio Myrène, Arnaud et François sur la mise en onde, bienvenue à cette actualité de la mi-journée de ce 31 mai 2021, donc voici d'abord l'essentiel. Sur invitation de son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a entamé ce lundi matin une visite d'état de 2 jours en République du Kenya, au cours de laquelle il participera aux cérémonies relatives au Madaraka Day prévues ce mardi le 1er juin. Vous l'entendrez dans ce journal. La hausse de prix des produits de première nécessité verse de l'encre et de la salive en province de Bubanza. Les acheteurs demandent aux autorités de suivre de près la situation et veiller si certains commerçants ne font pas beaucoup de spéculation. Le reportage du jour nous conduira dans le centre pour handicapés physiques Saint-Bernard de Makamba, où les personnes vivant avec handicap et dans ce centre témoignent avoir appris différents métiers. Et la chronique sportive de ce lundi nous parler des défis qui freinent le développement du rallye au Burundi. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page commerce et le manque de bornes, de bonnes routes pour le transport adéquat des marchandises et le manque de facilité aux commerçants lors de l'arrivée aux frontières sont parmi les contraintes soulevées par les acteurs du secteur privé du Burundi au secrétaire général de la communauté est-africaine dans une réunion avec les commerçants du Burundi ce samedi. Peter Matuki dit être prêt à collaborer avec les autorités habilitées pour trouver solution. Antoine Muzaneza, président de l'association des commerçants du Burundi, se dit satisfait du ressort de la réunion. On l'écoute au micro d'Omer Douaye. Nous étions quand même invités comme secteur privé. Alors, on a eu l'occasion de se parler, de voir combien nous, les commerçants, surtout les opérateurs économiques burundais, comment ils vont passer les marchandises à l'aise, suivant les pays limitrophes. Surtout, vous savez que le Burundi, nous sommes un pays enclavé. Alors, que nous sommes un pays enclavé, nous étions en train de voir, en tant que secteur privé, comment on va régler ces problèmes que nous avons à l'intérieur du pays. Il vous a interpellé d'extérioriser des problèmes une fois qu'il y en a. Comment est-ce que vous comptez gérer ça? C'est nous qui l'avons proposé que nous puissions entrer dedans parce que nous avons beaucoup de problèmes ici au Burundi. On lui a demandé qu'il puisse nous aider à résoudre les problèmes que nous avons, surtout au niveau des routes. Nous avons les routes qui ne sont pas très bien. Les camions trimballent souvent dans les frontières parce que je ne sais pas si on n'a pas encore informatisé nos systèmes pour que nos marchandises passent facilement comme les autres pays. Alors aujourd'hui, on lui avait demandé que nous puissions quand même voir ces barrières tarifaires qui se trouvent ici entre tous les Burundais, de voir combien on peut résoudre ces problèmes. Vous savez que nous avons des écoles qui ne sont pas améliorées, nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas des routes macadamisées. Tout cela, on lui avait demandé que nous puissions quand même voir avec la IAC, que nous puissions voir la solution entre les pays membres de l'IAC. Pour le développement de notre pays, je pense qu'il faut tout d'abord voir quels sont les problèmes que nous avons aujourd'hui. Alors, après avoir vu les problèmes que nous avons aujourd'hui, on va voir comment trouver la solution avec East Africa. Dans la même page commerce, je vous le disais en titre, les habitants de la province Bubanza se lamentaient de la hausse des prix des produits de première nécessité comme le haricot dont la hausse est évaluée à 400 francs le kilo. L'huile de palme dont le prix a doublé ainsi que d'autres produits. Les acheteurs demandent aux autorités de suivre de près la situation et vérifier si certains commerçants ne font pas beaucoup de spéculation. À la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza, on explique que la production de haricots a chuté suite aux pluies intenses. Et pour l'huile de palme, on a constaté que certains commerçants ont stocké ce produit pour le vendre pendant la saison sèche. Les détails avec Space Caritas Cabanian. Une bouteille d'huile de palme de 72 centilitres qui coûtait 1000 francs à 1200 francs il y a à peu près 3 mois s'achète aujourd'hui à 2600 francs, un prix record jamais connu selon les consommateurs contactés. Un kilo de haricots jaunes Mohoro Kajemungangara coûte actuellement 2000 francs, c'était 1500 francs il y a 3 mois. Le haricot appelé Kirundo coûte actuellement 1200 francs alors que c'était 900 à 1000 francs. Un kilo de graines de maïs coûte 900 francs, c'était 650 francs au mois de février-mars selon les commerçants contactés. Le gouverneur de Bubanza fait savoir que le maïs ne devrait même pas être vendu au marché puisqu'il est actuellement acheté par l'État. La pomme de terre qui coûtait 1000 francs le kilo s'achète à 1500 francs aujourd'hui. À la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza, on explique que le prix du haricot est un peu élevé actuellement car la production n'a pas été bonne. Beaucoup de champs de haricots ont été endommagés par les pluies intenses. Emmanuel Ndikubaganwa, directeur provincial à la DPAE Bubanza, ajoute que pour l'huile de palme, les enquêtes ont prouvé que certains commerçants ont stocké ce produit pour le revendre pendant la saison sèche, raison pour laquelle l'huile est rare et chère actuellement sur les marchés. Et concernant le sucre, une denrée rare dans la province, le gouverneur Cléophas Nezigiman a fait savoir que les commerçants de Moussegni et de Bubanza qui cachent ce produit pour le revendre plus tard à un prix élevé seront bientôt rayés de la liste des distributeurs. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13h01 au studio de Radio Isanganiro. Poursuivons ce journal par la page diplomatie. Sur invitation de son homologue Kenya Uhuru Kenyatta, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, accompagné par son épouse, a entamé ce lundi matin une visite d'état de 2 jours en République du Kenya, au cours de laquelle il participera aux célébrations relatives au Madaraka Day prévues ce mardi le 1er juin. Selon le communiqué de la présidence de la République, cette visite offrira aux deux chefs d'État l'opportunité d'explorer les voies et moyens de renforcer les relations fraternelles qui lient les peuples burundais et kenyans. Parmi les sujets d'intérêt commun qui seront abordés figure la coopération multisectorielle, notamment l'état d'exécution des partenariats préexistants et la signature des nouveaux accords. Le Burundi, donc, entretient avec le Kenya des relations bilatérales dans de nombreux domaines, en particulier le commerce, l'éducation et l'agriculture. Selon le dictionnaire Wikipédia, les deux pays ont signé en 2011 un accord bilatéral global pour promouvoir entre eux le développement et le transfert de technologies dans le domaine de l'agriculture, l'élevage et de la pêche, n'est-ce pas, au Bénin-Gour? À part la même appartenance dans plusieurs communautés régionales, le Burundi et le Kenya entretiennent aussi des relations bilatérales dans plusieurs domaines. Dans le domaine de coopération au développement, des entreprises kenyanes ont investi au Burundi. Il y a notamment les banques comme KCB, Kenya Commercial Bank, le DTB, Diamond Trust Bank, mais aussi la société de transport aérien Kenya Airways. Dans le cadre des programmes actuels, le gouvernement kényan a contribué à plusieurs reprises à renforcer les capacités des fonctionnaires du gouvernement burundais, dont les principaux organes de l'État et des transports. Des étudiants burundais ont suivi une formation au Kenya aux frais de l'autorité portuaire du Kenya. Les deux pays ont aussi signé des accords sur les services aériens bilatéraux dits BASA. En ce qui est des relations diplomatiques, chacun de ces deux pays dispose d'une mission diplomatique dans l'autre pays. Dans le domaine des infrastructures, les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est travaillent pour la construction d'une liaison ferroviaire qui passerait par Mombasa, Nairobi, Kampala, Kigali, et cette ligne pourrait être prolongée jusqu'à Bujumbura à l'avenir. À cause de son enclavement, le Burundi profite aussi du port de Mombasa. Merci à Obenyonguru pour tous ces détails. Page éducation à présent. Les étudiants externes préboursiers vivent dans des conditions difficiles. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro ce lundi au quartier Kanyari de la zone Rohero à mairie de Bujumbura, plus connu pour le nombre élevé d'étudiants qui y vivent, indiquent qu'ils ne se nourrissent qu'à peine. Ils ajoutent que la somme mensuelle de 60 000 francs qu'ils perçoivent comme prébourse ne leur permet pas de joindre le deux bouts du mois. Ils demandent la majoration de cette somme. Le reportage de Jean de Dieu, il raconte. Ils sont préboursiers. Ils vivent à Kanyare, qu'ils ont surnommé Pavillon 14, par référence aux homes universitaires du campus d'Omutanga qui dispose le pavillon 13. Un parmi cet étudiant colocataire d'une maisonnette de deux chambrettes nous accueille chez lui. Le salon est subdivisé en deux au moyen d'un rideau. Dans une partie se trouve une tablette et sept tabourets correspondant au nombre de personnes qui y habitent. Dans une autre, on y conserve différents documents. Si tu jettes un coup d'œil dans une des deux chambrettes, on y voit un matelas de 90 cm qui touche la porte. Pour eux, jamais de petit déjeuner avant de se rendre dans les auditoires, comme le relève un d'entre eux. Je me lève toujours à 6h30 à cause de la pauvreté. Je suis incapable de prendre du thé. Pour pouvoir survivre à partir de cette somme de 60 000, ils mangent selon eux, non pas pour être rassasiés. Un kilogramme de haricots doit couvrir 3 repas pour 7 personnes, comme ils le font savoir. Pour 3500, j'achète 1,5 kilo. De haricots et puis 1,5 kg de farine de manioc. Ça peut arriver que je mélange avec des légumes, des amarantes par exemple, au moins 200 francs. Pour les haricots, nous essayons de les établir en 3 repas. Selon toujours ces étudiants, d'autres besoins ne sont qu'à peine couverts. À quelques mètres de cela, nous nous dirigeons vers des étudiantes, colocataires également d'une maisonnette A7. Au regard de leurs conditions féminines, une d'entre eux confie qu'elle contracte des dettes en ajout par rapport à cette somme de 60 000 francs bouts pour couvrir un mois. Nos consommations dépassent de loin les 60 000. En tant que fille, nous avons besoin de beaucoup de choses. Il y a des moments où nous recourons aux dettes. Les 60 000 sont difficiles à gérer. Tous demandent la majoration de ce prêt bourse à 100 000 francs burundais au minimum. Article 21 de l'ordonnance ministérielle du 22 mars 2018 qui régit le prêt bourse stipule que ce montant peut être réajusté par l'autorité compétente, notamment en fonction des dotations budgétaires. À la source, reportage. Dans ce reportage du jour qui nous conduit en province Makamba, les personnes vivant avec le handicap au centre pour handicapés physiques Saint-Bernard à Makamba témoignent avoir appris différents métiers. Cependant, certains souffrent parfois des maladies difficiles à traiter comme l'ostéoporose qui s'ajoute au manque de matériel, comme indiqué par Sœur Jocelyne Mbonima, responsable de ce centre. Elle demande l'intervention des âmes charitables. Eline Bernibigira pour plus de détails. Au centre des personnes vivant avec handicap appelé Saint-Bernard, on est en train de fabriquer du matériel qui aide ces gens, tandis que d'autres sont en train d'apprendre différents métiers comme la couture, la vannerie et bien d'autres encore. Pelagie Hakizimana, vivant avec un handicap physique, a pu apprendre la vannerie, évitant ainsi de rester bras croisés. Nous sommes des orphelins. Arrivés ici, nous avons eu des problèmes. Nous demandons que nous ayons à faire ici selon nos capacités. Pour ne pas rester assis, on peut faire la couture et ça peut nous aider. Japhet Nduwimana vit aussi avec un handicap. Il affirme qu'il a appris la couture sur ce centre. Même s'il a eu la chance d'arriver sur ce centre, il demande à l'État de faire le tour dans les collines reculées afin d'identifier les personnes vivant avec handicap et se rendre compte de leurs conditions de vie. Cependant, le centre pour handicapés dit Saint-Marc connaît plusieurs défis liés au manque de moyens pour se procurer du matériel et faire soigner les personnes vivant avec handicap et surtout l'ostéoporose, que souffrent souvent les personnes vivant avec handicap. Sœur Jocelyne Mbonimha dit que l'État intervient, mais ça ne suffit pas selon elle, et surtout après le départ de l'ONG Handicap International. Nous avons beaucoup de cas, mais ceux qui sont rentrés sont par la suite refoulés par leur famille. Le principal problème est le manque de moyens pour les élever. L'État, à travers le ministère de la Solidarité, nous appuie, mais ça reste insuffisant. Le grand problème est que les personnes vivant avec handicap ici souffrent d'autres maladies nécessitant des opérations chirurgicales. Avant, Handicap International nous aidait, mais aujourd'hui c'est difficile. Le centre des personnes vivant avec handicap de Makamba, dit Saint-Bernard, a été créé par Monseigneur Bernard Bododira depuis 1977. Radio Isanganiro, chronique sport. L'état critique des routes qui abritent les compétitions de rallye est le problème majeur qui freine le développement de ce sport au Burundi. Dans le cadre de promouvoir ce sport, Ado Negami est directeur des courses au sein de la Fédération burundaise des clubs automobiles, demande au gouvernement de multiplier les routes dans toutes les provinces du pays et d'autres infrastructures nécessaires pour mieux abriter les compétitions de rallye. Des détails dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazenette. Le manque de moyens suffisants pour organiser les compétitions de rallye avec succès est le problème majeur auquel fait face la Fédération burundaise des clubs automobiles, comme l'indique Ado Negamiye, directeur des courses au sein de la dite fédération. Les problèmes qu'on rencontre dans nos sports automobiles, c'est notamment les problèmes financiers. Ce sport demande beaucoup de moyens au point de vue organisationnel et ainsi aussi au point de vue compétiteur. C'est un sport qui demande de l'argent. Afin d'organiser un grand rallye, il nous faut des grands moyens financiers, mais aussi du côté des compétiteurs, il leur aussi faut des grands moyens financiers. À cela s'ajoute l'insuffisance des hôtels qui peuvent héberger beaucoup des compétiteurs et les supporters lors des compétitions. Un autre grand problème qu'on rencontre dans notre sport, c'est la problématique des hôtels. On fait nos compétitions dans des provinces là où il y a beaucoup plus d'hôtels, afin que les compétiteurs, les organisateurs et aussi les spectateurs puissent avoir un endroit où dormir ou bien un endroit où manger ou aussi boire quelque chose lorsqu'on fait ce genre de compétition. C'est un des problèmes majeurs qu'on rencontre dans notre sport. C'est pour cela que vous verrez que quand on fait les compétitions, ça se passe principalement dans les provinces Ngozi, Gitega et Bujumbura et Mwaro, puisque dans ces provinces, c'est là où on peut trouver plus de pour accueillir les touristes ou bien les spectateurs qui viennent voir le rallye. Ce directeur des courses au sein de la Fédération burundaise des clubs automobiles signale également l'état critique des routes qui abritent les compétitions de rallye. L'autre problème qu'on rencontre ici dans notre sport, c'est les routes qui sont vétustes. Les routes à l'intérieur du pays, il y a des routes qui sont dans un état qui n'est pas bon pour faire la compétition. Alors, c'est pour cela que on s'attache beaucoup plus à faire des compétitions là où ils ont des routes qui sont mieux pour faire nos compétitions respectives. C'est notamment dans les provinces Ngozi, Mwaro, Gitega ou Bujumbura, mais aussi quelques parties des routes dans la plaine d'Imbo. Ado Negamiye demande aux amateurs de sport de rallye de les aider à localiser les endroits où se trouvent les routes bien entretenues. Ce qu'on demande aux gens, c'est que ils peuvent nous aider à localiser les routes qui sont bien entretenues dans certaines provinces, de nous faire un clin d'œil en nous disant qu'il y a des routes qui ont été refaites. Et puis, nous, en tant que comité d'organisation, on procédera aux visites pour voir si ces routes sont des routes compétitives. Ce directeur des courses au sein de la Fédération burundaise des clubs automobiles demande également aux sociétés commerciales du Burundi et le ministère ayant le sport dans ses attributions de les soutenir dans les différentes compétitions qu'ils organisent. C'est sur cette chronique sportive que se referme cette actualité. Mais avant de quitter ce studio, je vous en rappelle l'essentiel. Sur invitation de son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a entamé ce lundi matin une visite d'État de 2 jours en République du Kenya, au cours de laquelle il participera aux célébrations relatives au Madaraka Day prévues ce mardi le 1er juin. Arrivé à Nairobi, le chef de l'État burundais a appelé les investisseurs kenyans à venir investir au Burundi. La hausse des prix des produits de première nécessité versés de l'encre et de la salive en province de Bubanza. Les acheteurs demandent aux autorités de suivre de près la situation et vérifier si certains commerçants ne font pas beaucoup de spéculation. Le reportage du jour nous a conduit dans le centre pour handicapés physiques Saint-Bernard de Makamba, où les personnes vivant dans ce centre témoignent avoir appris différents métiers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé pour que vous puissiez suivre cette actualité. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.